Pourquoi suis-je encore là? On m'a dit que les gens de Saint-Ain étaient venus vers 6 heures avec des barques et qu'ils m'avaient trouvé couché sur une cheminée, évanoui. Les eaux ont eu la cruauté de ne pas m'emporter après tous les miens, pendant que je ne sentais plus mon malheur. C'est moi, le vieux, qui me suis entêté à vivre. Tous les autres sont partis, les enfants au maillot, les filles à marier, les jeunes ménages, les vieux ménages. Et moi je vis ainsi qu'une herbe mauvaise, rude et séchée, enracinée aux cailloux. Si j'avais du courage, je ferais comme Pierre, je dirais « j'en ai assez, bonsoir ». Et je me jetterais dans la Garonne pour m'en aller par le chemin que tous ont suivi. Je n'ai plus un enfant. Ma maison est détruite. Mes champs sont ravagés. Oh, le soir, quand nous étions tous à table, les vieux au milieu, les plus jeunes à la file, et que cette gaieté m'entourait et me tenait chaud. Oh, les grands jours de la moisson et de la vendange, quand nous étions tous au travail et que nous rentrions gonflés de l'orgueil de notre richesse, oh, les bons enfants et les belles vignes, les belles filles et les beaux blés, la joie de ma vieillesse, la vivante récompense de ma vie entière. Puisque tout cela est mort, mon Dieu, pourquoi voulez-vous que je vive? Il n'y a pas de consolation. Je ne veux pas de secours. Je donnerai mes champs aux gens du village qui ont encore leurs enfants. Eux trouveront le courage de débarrasser la terre des épaves et de la cultiver de nouveau. Quand on n'a plus d'enfants, un coin suffit pour mourir. J'ai eu une seule envie, une dernière envie. J'aurais voulu retrouver les corps des miens, afin de les faire enterrer dans notre cimetière, sous une dalle où je serais allé les rejoindre. On racontait qu'on avait repêché à Toulouse une quantité de cadavres emportés par le fleuve. Je me suis décidé à tenter le voyage. Quel épouvantable désastre! Près de 2000 maisons écroulées, 700 morts, tous les ponts emportés, un quartier rasé, noyé sous la boue, des drames atroces, 20 000 misérables demi-nus et crevant la faim, la ville empestée par les cadavres, terrifiée par la crainte du typhus, le deuil partout, les rues pleines de convois funèbres, les aumônes impuissantes à panser les plaies. Mais je marchais sans rien voir au milieu de ces ruines. J'avais mes ruines, j'avais mes morts qui m'écrasaient. On me dit qu'en effet beaucoup de corps avaient pu être repêchés, qu'ils étaient déjà ensevelis en longue file dans un coin du cimetière. Seulement, on avait eu le soin de photographier les inconnus. C'est parmi ces portraits lamentables que j'ai trouvé ceux de Gaspard et de Véronique. Les deux fiancés étaient demeurés liés l'un à l'autre, par une étreinte passionnée, échangeant dans la mort leurs baisers de noces. Ils se serraient encore si puissamment, les bras raidis, la bouche collée sur la bouche, qu'il aurait fallu leur casser les membres pour les séparer. Aussi, les avait-on photographiés ensemble, et ils dormaient ensemble, sous la terre. Je n'ai plus que cette image affreuse. Ces deux beaux enfants gonflés par l'eau, défigurés, gardant encore sur leur face livide l'héroïsme de leur tendresse. Je les regarde et je pleure.